1 Corinthiens chapitre 4. Que chacun nous tienne pour ministre de Christ, et pour dispensateur des mystères de Dieu. Mais, au reste, il est exigé des dispensateurs, que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, je me soucie fort peu d'être jugé de vous, ou de jugement d'homme, et aussi je ne me juge point moi-même. Car je ne me sens coupable de rien, mais pour cela je ne suis pas justifié, mais celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui aussi mettra en lumière les choses cachées dans les ténèbres, et qui manifestera les conseils des cœurs, et alors Dieu rendra à chacun sa louange. Or, mes frères, j'ai tourné par une façon de parler, ce discours sur moi et sur Apollo, à cause de vous, afin que vous appreniez de nous à ne point présumer au-delà de ce qui est écrit, de peur que l'un pour l'autre vous enfuyiez contre autrui. Car qui est-ce qui met de la différence entre toi et un autre, et qu'est-ce que tu as, que tu ne l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu, comme si tu ne l'avais point reçu? Vous êtes déjà rassasiés, vous êtes déjà enrichis, vous êtes fait roi sans nous, et plus à Dieu que vous régnassiez, afin que nous régnassions aussi avec vous. Car je pense que Dieu nous a exposés publiquement, nous qui sommes les derniers apôtres, comme des gens condamnés à la mort, vu que nous sommes rendus le spectacle du monde, des anges et des hommes. Nous sommes fous pour l'amour de Christ, mais vous êtes sages en Christ, nous sommes faibles, et vous êtes forts, vous êtes dans l'estime, et nous sommes dans le mépris. Jusqu'à cette heure nous souffrons la faim et la soif, et nous sommes nus, nous sommes souffletés, et nous sommes errants çà et là. Et nous nous fatiguons en travaillant de nos propres mains, on dit du mal de nous, et nous bénissons, nous sommes persécutés, et nous le souffrons. Nous sommes blâmés, et nous prions, nous sommes faits comme les balayures du monde, et comme le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Je n'écris point ces choses pour vous faire honte, mais je vous donne des avis comme à mes chers enfants. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez pourtant pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous prie donc d'être mes imitateurs. C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon fils bien-aimé, et qui est fidèle en notre Seigneur, afin qu'il vous fasse souvenir de mes voies en Christ, et comment j'enseigne partout dans chaque église. Or quelques-uns se sont glorifiés, comme si je ne devais point aller vers vous. Mais j'irai bientôt vers vous, si le Seigneur le veut, et je connaîtrai, non point la parole de ceux qui se sont glorifiés, mais l'efficace. Car le royaume de Dieu ne consiste point en paroles, mais en efficace. Que voulez-vous? Irai-je à vous avec la verge, ou avec charité, et un esprit de douceur?